France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. En septembre dernier, sur Arte, le documentaire Glam Rock, Splendeur et Décadence embarque les téléspectateurs pour un voyage musical étourdissant à la rencontre des plus grandes icônes du genre. Le glam, aussi appelé glitter, est un style de rock qui s'est développé au Royaume-Uni au début des années 70 et dont le déclin a commencé dès 1975. Par certains aspects, il est précurseur du mouvement punk. Parmi les grandes stars du glam rock, une version riche avec David Bowie qui cultive une apparence androgyne et un rock tourmenté. Il y aura aussi T-Rex, Slade, Sweet et celui dont Philippe Froisès et Julie Béressy ont choisi de vous parler ce week-end, Gary Glitter. Gary Glitter, grandeur, paillettes et décadence. Un documentaire de Philippe Roisès et Julie Béressy. Première partie, je suis le chef de la bande. Gary Glitter, Gary brillant, étincelant, scintillant. Son titre instrumental, Rock'n'Roll Partout, retentit encore aujourd'hui dans les stades américains, les jours de matchs de football ou de hockey. Mais qui se souvient vraiment de cet anglais flamboyant ? Reprenons les choses à leur commencement. J'ai d'abord demandé à Mishka Assayas, auteur passionné de rock, qui était Paul Gadd, avant de prendre le nom de Gary Glitter. Alors, écoutez, moi je n'en sais que ce que j'ai appris pour faire la notice du dictionnaire du rock. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été élevé par une mère célibataire à Oxford. Le père avait complètement disparu. The only hint I ever had of anything to do with his childhood. La seule information que j'ai eue à propos de son enfance, c'est ce jour où nous étions coincés dans les embouteillages. James Soray Cookson, ancien assistant personnel et chauffeur de Gary Glitter. Il m'a fait arrêter la voiture sur le trottoir d'en face, où quelqu'un faisait la quête pour Barnardo's, une organisation caritative s'occupant des orphelins de familles pauvres. Il a donné 20 livres sterling, ce qui était une belle somme en 1974. J'ai juste pensé qu'il était philanthrope. Et j'ai appris plus tard que sa mère les avait envoyés, son frère et lui, vivre dans une maison pour orphelins, parce qu'elle était une mère célibataire. Gary Glitter, 1981. Je suis né à Banbury, dans la région de l'Oxfordshire, en 1944, ou 1945, ou était-ce en 1933, une de ces années-là en tout cas. C'était un bon cru de toute façon. Vous avez beaucoup déménagé lorsque vous étiez enfant? Oui, beaucoup. Ma mère m'a récupéré lorsque elle s'est remariée, j'avais 11 ans. On s'est alors installé à Londres. Je n'ai jamais vécu dans un même endroit plus de 2 ans. La seule personne qui m'a encouragé, c'est mon beau-père. Ma mère me disait, quand tu chantes, on dirait que tu as mal. Moi, je savais que j'allais y arriver. J'ai commencé à enregistrer des chansons en 1959. Et la maison de disques me donna un nom de scène, Paul Raven. Pendant 12 ans, j'ai fait des disques sous ce nom. Lost in the night, thinking of hours, I held you so tight. The days I spent with you such heavenly things we used to do. Enfant turbulent, puis adolescent fugueur, Paul, emporté par la passion du rock'n'roll, se produit dans les petits clubs de Londres. Mais après une dizaine de 45 tours, le succès ne vient toujours pas. I laugh, but then I sigh, seeing the tears you try to hide. Et là, il a rencontré un musicien qui a été extrêmement important dans sa carrière, qui est Mike Leander, qui était un arrangeur, un orchestrateur. Alors, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs de lui, c'est qu'il a, en l'absence de George Martin, orchestré She's Leaving Home dans Sgt. Pepper's. Il était un de ces artisans qui vraiment ont joué un rôle absolument central dans la pop anglaise des années 60. Et Paul Gadd a été son protégé. Il a essayé de le faire engager partout où il pouvait. Il a réalisé ses 47 tours qui n'ont pas du tout marché. Et Paul Gadd, enfin, il a été un inconnu total. Et très tôt, il est parti en Allemagne. Un peu d'ailleurs ce que faisaient pratiquement beaucoup de musiciens anglais débutants, comme les Beatles qui étaient allés à Hambourg. C'était le cas de Ritchie Blackmore aussi avant Deep Purple, etc. Enfin, il y avait quantité de musiciens qui allaient en Allemagne parce que c'était, il y avait des bases américaines et que c'était l'occasion pour ces musiciens d'avoir beaucoup d'engagement. Gary Glitter, 1988. J'ai fait des concerts en Allemagne de 1964 à 1970. J'ai joué au Star Club à Hambourg, au Top Ten, tous les clubs où étaient passés les Beatles et d'autres au début de leur carrière. Et ce fut comme un apprentissage, un formidable apprentissage. Mais les nouveaux 45 tours de Paul Gadd, sortis sous les noms de Paul Raven, Paul Monday ou Rubber Bucket, le seau en caoutchouc, et produits par Mike Leander, ne se vendent pas mieux. Le rock'n'roll était complètement passé de mode. C'est-à-dire que c'était une musique rétro. Il y avait encore Gene Vincent, il y avait, comme ça, il y avait quelques pionniers, enfin, il y avait évidemment Little Richard, enfin, Jerry Lee Lewis, tout ça, ils étaient très actifs, mais ils étaient complètement passés de mode. Quelque chose qui était à contre-courant du psychédélisme et de la musique progressive, du revival du blues pur et dur, du blues de Chicago, comme on a connu à Londres en 68, avec le groupe Fleetwood Mac, en fait, etc. Bon. Et donc, c'était méprisé, c'était ringard le rock'n'roll. Surtout à cette époque où la musique se veut sérieuse, le début des concept albums, les ambitions des musiciens qui veulent aborder les grands thèmes existentiels dans les textes de leurs chansons. Et c'est dans ce contexte que quelqu'un comme Gary Glitter est arrivé. Bah, en fait, moi, étant intéressé par le rock, très rapidement, je sais, au début, je lisais les deux, trois bouts de magazines français qu'il y avait autour de ça. Et très vite, je m'étais mis à acheter Enemy, Sands, New Musical, et l'autre, je sais plus comment il s'appelait, Record Mirror. Éric Débris, musicien. Et dedans, d'un seul coup, j'ai commencé à voir des artistes un peu plus marrants, finalement, que les groupes de rock normaux, les Led Zeppelin et co. Et on a commencé à voir des photos d'artistes qui avaient l'air un peu plus cinglés, quoi, qui apportaient un autre truc. Donc, par curiosité, d'aller voir un peu ce que c'était, les David Bowie, Roxy Music et tous les groupes après de glam rock autour de ça. Il y avait Slade, il y avait Sweet, les mecs qui montaient sur scène avec des plates for boots invraisemblables, avec des paillettes, des costumes complètement délirants. Oui, c'était intéressant, c'était... Il y avait ni second degré ni quoi, c'était ouais vraiment cool de voir des mecs qui faisaient vraiment le show, parce qu'on sortait quand même d'une période juste avant ça où il y avait quand même que des groupes de hippies à la con, où les mecs montaient sur scène avec les mêmes les fringues qu'ils portaient toute la journée, une espèce de petit pullover étriqué, un pantalon à pattes def, et puis c'était tout, quoi. Mais il y a un garçon qui s'appelle Gary Glitter, vous connaissez certainement tous. Émission Rond-point des Champs, première chaîne, 1973. C'est le rock'n'roll drôle, si vous voulez, humour, parce qu'on peut pas le prendre vraiment au sérieux. Il est venu à Paris avec son habit de lumière tout en paillettes, comme vous allez le voir tout à l'heure. Et après l'émission, il a dit, je vais vous faire quelques emplettes. On lui a dit, oui, mais change-toi. On lui a dit, oui, bien sûr, je comprends, hein, tout ça en anglais. Et il a quitté son costume en paillettes blanches. Il est parti dans la rue avec des paillettes bleues, mais le même costume. Son producteur, etc., leur manière d'écrire leur morceaux typiquement glam, avec en ternaire, avec les rythmes de batterie, etc., un peu tribal, c'était un peu ce qui marquait. Le toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum toum, cette espèce de truc qui tribal, sur lesquels on peut se scander des trucs. C'était vraiment la grande trouvaille chez Gary Glitter. C'est de la pop, c'est du glam de consommation immédiate. Les mecs, ils faisaient des trucs pour rentrer directement dans le top 30, passer à Top of the Pop, vendre un maximum de disques le plus vite possible, etc. Tout ce glam rock pop est orienté discothèque. Moi, à l'époque, on allait régulièrement à Londres et on allait dans des gigantesques discos comme le Lyceum. Et quand ils balançaient justement tout ce qui était glam rock, Gary Glitter et tout, il y avait toutes les petites nanas qui se mettaient à danser. Sur la piste de danse, ouais. En épluchant la presse professionnelle de l'époque, on y apprend que Gary Glitter a enregistré à Paris avec un jeune ingénieur du son, Maurice Valencin. Devenu spécialiste de la restauration de vieux enregistrements, je l'ai retrouvé au studio Coppelia à Paris. Maurice Valencin, en 1973, vous travaillez où ? Au studio Gastet, ce qu'on appelle le studio Loulou Gastet, c'était le mari de Lynn Renault. Il y avait un petit studio en bas de l'avenue de la Grande Armée, et j'ai travaillé là-bas depuis 2 ans à peu près. J'enregistrais beaucoup de variétés là-bas, hein, beaucoup de variétés françaises en particulier. Par exemple Adamo, Catherine Lara, Claude François, voilà. Et puis un jour, vous voyez au programme des studios d'enregistrement que il y a Gary Glitter qui est inscrit au planning. Oui. Ça vous fait quel effet quand vous voyez ça ? Je ne savais pas si c'était une erreur ou pas, parce que c'était très connu. Ça marchait à fond à l'époque. Il avait fait un hit, un tube. Il passait dans toutes les discothèques. Et bon, j'étais quand même un petit studio. Et puis voilà, en effet, c'était bien ça. C'était bien Gary Glitter. Comme il était très connu, moi je pensais voir arriver tout le staff, la star avec tout le monde. Et bien ils sont arrivés à deux, Gary Glitter et son producteur, qui est manager, etc., Mike Leander. Ils étaient habillés un petit peu spécialement, hein. Pas un habit de lumière, pas l'habit de scène, mais vraiment on remarquait, avec des talons compensés, dont je voyais grand. Et c'est curieux parce que en les voyant, j'avais l'impression de voir arriver Danton et Robespierre. C'était pour quel titre ? I'm the leader of the gang. C'est très organisé, hein. C'est le producteur, Mike Leander, qui faisait tout. Par les voix lead, c'était Gary Glitter. Mais sinon, Mike Leander, c'est lui qui, apparemment, qui avait composé, c'était l'orchestrateur, et il faisait tous les instruments, lui-même. Tous les instruments. D'abord la batterie, ensuite la basse, ensuite les guitares, ensuite les chœurs avec Gary Glitter, et ensuite toutes les voix leads. Les voix leads, c'est les voix de Gary Glitter. Il avait un son de guitare aussi qui était extrêmement particulier. Apparemment, il l'avait travaillé de longue date. Ah, ça, c'était la spécificité de Mike Leander. Vraiment. Il avait son secret. L'ampli de guitare, au lieu d'être alimenté en 220 volts, il était alimenté en 310 volts. On avait un transfo. Ça donnait une sonorité particulière au tube de l'ampli. C'était une époque où on faisait de la recherche. On n'hésitait pas, s'il y avait un défaut, quelque chose dans le son, on l'utilisait encore plus. J'apprenais quand même avec lui. J'apprenais. Parce que j'étais un jeune ingénieur du son, hein, depuis très peu. Et pour les sons, les effets sonores, c'est essentiellement avec des échos de magnétophone. À l'époque, il n'y avait pas encore les délais, comme il y a aujourd'hui, les délais numériques. Il n'y avait pas. Donc, on faisait ça avec des magnétos. Et pour obtenir le délai, le décalage voulu, on mettait du scotch sur ce qu'on appelle le cabestan. Le cabestan, c'est ce qui permet, qui donne la vitesse d'entraînement à la bande. Ah, on trafiquait, hein, on trafiquait beaucoup. Hein. Le succès est enfin au rendez-vous. Mike Leander façonne un son et Paul Gadd devient un personnage, maquillé et arborant un costume lamé et argenté, chaussé d'immenses bottes à semelles compensées. Entre 1972 et 1975, Gary Glitter vend plus de 18 millions de disques. 11 titres se classent dans les 10 meilleures ventes et 3 sont numéro 1. La plupart des artistes modernes donnent l'impression d'être des produits créés par les producteurs et les managers qui les fabriquent selon un concept. Gary blaguait souvent dans les interviews à propos de la longue liste de noms envisagés avant de s'arrêter sur Gary Glitter. Il était assurément un produit de l'imagination de Mike Leander. En termes de style musical, d'apparence physique et de nom de scène. Lui et Gary écrivaient les textes des chansons ensemble. Ils travaillaient de manière très proche sur le son, la vitesse du morceau, le rythme. Mike Leander était certainement la force motrice, mais Gary n'était pas pour autant son petit chien. Il a contribué au processus de création. Le groupe de scène de Gary Glitter, The Glitter Band, s'est récemment reformé. Ce n'était pas difficile de retrouver le batteur, Pete Phipps. Hello. Well, I joined the band at the very beginning. J'ai rejoint le groupe au tout début, en 1972. Décembre 1972. À l'origine, il n'y avait pas de groupe, juste un disque. Je connaissais très bien Jeff Hammond, l'agent qui a trouvé les dates de concert pour Gary Glitter. J'ai reçu un coup de téléphone désespéré de Jeff Hammond en juin 1972, qui me dit que le disque s'est classé dans les meilleures ventes, de manière surprenante puisque les radios ne le programmaient pas. Alors il avait besoin de musiciens pour faire les dates de concert. Les musiciens avec lesquels Gary avait auparavant tourné en Allemagne sont rentrés en Angleterre. Je les ai rencontrés directement pour les concerts, sans avoir fait aucune répétition avec eux. Je n'ai pas joué au premier concert parce que j'ai dû conduire le camion, vu que le conducteur prévu avait fait faux bond. Alors, je n'ai joué sur scène qu'à partir du deuxième concert. J'ai regardé le premier et j'ai confirmé. Oui, je peux faire les suivants sans problème. L'une des spécificités du son du groupe sur scène, c'est les deux batteries. Est-ce que vous jouiez rigoureusement la même chose ou différemment? On était tous les deux de bons musiciens et on s'entendait bien. On jouait plus ou moins la même chose. En studio, il y avait deux parties de batterie superposées qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Alors en concert, l'un de nous jouait une des parties pendant que l'autre jouait la seconde. On improvisait un peu aussi. De la puissance. Ça donnait de la puissance. Il a fait un Olympia. Ça commence avec le Glitter Band qui joue des morceaux du Glitter Band pendant peut-être une petite demi-heure, un truc comme ça, jusqu'à... Bon, hyper bien d'ailleurs, le Glitter Band. Et suivi par l'entrée en scène de Gary Glitter en Harley Davidson. Donc là aussi, ça se la pète un peu, c'est un peu rigolo. L'autre qui rentre, je crois que c'est pour faire I'm the Leader of the Gang, il rentre avec la moto, qui gare sur la scène, et hyper bien, quoi, un super showman, un truc, réglé comme une horloge en plus, un son phénoménal. Le Glitter Band, les mecs, c'est quand même un putain de musicien derrière, et le truc est super bien. Quoi. En 1976, au sommet de sa gloire, Gary Glitter réserve une bien mauvaise surprise à ses fans. Il annonce qu'il a trouvé l'amour et qu'il fait ses adieux à la scène afin de se consacrer à sa nouvelle vie. Une fan de Gary Glitter. Je viens d'apprendre ça dans la presse. C'est horrible, parce qu'on ne le reverra jamais. Dites-nous la véritable raison de cette décision. J'ai pensé que c'était le bon moment pour prendre ma retraite. Si je dois faire quelque chose de ce fabuleux amour que je viens de trouver. Une jeune femme qui s'appelle Mary? Oui. C'est quelque chose d'encore plus fort que l'amour? Mais qu'est-ce qui pourrait être plus fort que l'amour? Glam a vraiment, vraiment, vraiment influencé le punk rock. Hein. Tous les artistes de punk rock de la toute première vague ont tous cité des musiciens de glam rock, ont été chercher des producteurs de glam rock pour faire leur dige. Ça, quelque part, ça déclenche un peu le punk rock parce qu'il y a quelques artistes de glam qui se retrouvent à un moment à faire des morceaux qui sont du proto-punk. Ça ressemble à du punk rock, mais c'est encore du glam rock. Ouais, il y a tout un tas de... Il y a un groupe comme Sleek qui fait un morceau de Kids Are Punk, juste au moment où le punk rock est en train de démarrer. C'est marrant parce que je pense qu'il n'y a quand même pas grand monde qui se rappelle de lui musicalement aujourd'hui, et en même temps, il a influencé des tas de groupes totalement différents les uns des autres. Ah mais totalement, oui. Après, il y a eu la reprise de Joan Jett au début des années 80, qui a été vraiment très très très populaire. Ouais, mais même dans certains titres d'Elvis Costello, vous entendez des trucs du Glitter Band, Pump It Up, pom pom pom pom pom pom pom, voilà, hey, comme ça un truc, ça c'est du glam, c'est du glam Glitter Leander. Et ce qui est intéressant, parce qu'en réécoutant, j'ai pris conscience de ça, c'est que Leander et Gary Glitter, et Glitter Band aussi, ont anticipé un groupe qui a eu une très grande importance au début des années 80, à l'époque de l'après-punk, qui était Adam and the Ants, avec ce côté tribal. Et vous écoutez Rock'n'Roll et Angel Face de Glitter Band, et vous écoutez, je sais pas, Kings of the Wild Frontier ou Ants Music, c'est très très similaire. A new rock family, a wild nobility, we are the family. A new rock family.